Groupe de travail Lutécium, Paris, Lacan, RSI, leçon du 18 mars 1975, enregistrée le 5 novembre 2000. Lacan, RSI, 18 mars 1975, Panthéon. Vous m'aviez dit que vous Voilà, en merci. feriez, distribueriez 500. Oui, non, mais c'est très gentil déjà de votre part. C'est pas un reproche que je vous fais, c'est très gentil déjà de votre part. Seulement c'est. Il y en a à qui ça va manquer. Ça va leur manquer d'ailleurs uniquement parce que les autres l'ont. Pour ceux qui ne l'ont pas, ce qu'il y a dans ces papiers que Pierre Souris et Michel Thomé ont distribué. Il y a quelque chose dont vous avez vu la dernière fois, je ne peux pas dire l'explication. Parce que justement, je ne l'ai pas expliqué vraiment ce dessin. Ce dessin qui, me semble-t-il, pour autant que j'en sache quelque chose, qui est une trouvaille. Une trouvaille que Michel Thomé a fait sur une certaine figure 6, qui est quelque part dans le dernier séminaire, enfin celui qui s'appelle, qui est intitulé encore. Il a fait la trouvaille d'une erreur. D'une erreur dans ce dessin. Je présume, je ne peux pas en dire plus, je présume que c'est une erreur heureuse. Felix culpa, comme on dit. C'est une erreur heureuse si c'est à l'occasion de cette erreur que Michel Thomé, mais peut-être l'avait-il inventé tout seul, inventé tout seul ceci que j'ai indiqué enfin, la dernière fois dans un de ces papiers. J'ai fait coller au tableau la dernière fois et qui démontre qu'il y a en somme qu'il est possible de figurer, je ne dis pas écrire, de figurer des nœuds borroméens tels, disons les choses rapidement, qu'ils ne se défasse que par un bout, qu'à partir d'un bout. Que si c'est pas facile, que si on attaque donc un quelconque des rondes ficelles qui sont nouées d'une certaine façon, précisément d'une façon non borroméenne, puisque si elle était borroméenne, il suffirait de rompre un quelconque pour que tous les autres soient immédiatement indépendants les uns des autres. Alors que la définition de ces nœuds tels qui ne se défassent que par un bout, ça signifie que à attaquer n'importe lequel, ce n'est que dans un sens et pas dans l'autre que tous se dénouent. Mais dans le sens où tous se dénouent, c'est un par un et non pas immédiatement qu'il convient de les dénouer. Je ne sais pas si c'est à l'occasion de cette erreur ou de son cru que Michel Thomé a fait ce que j'appelais tout à l'heure cette trouvaille. Il est peut-être là, alors qu'ils le disent. Il est là. Vous l'avez fait à l'occasion de l'erreur, la trouvaille. C'est à l'occasion de l'erreur. C'est bien ce que je dis, c'est une heureuse erreur. Mais ceci prouve à tout le moins ceci, c'est que je dois dire à ma surprise, parce que j'en ai pas tous les jours des preuves, je ne parle pas absolument sans effet. Vous me direz que ces effets, je ne peux pas les mesurer, puisqu'on ne m'en donne pas trace. Mais enfin, justement, c'est ce dont je sais gré à ce couple d'amis, Souris et Thomé, c'est de m'en donner trace. C'est encourageant quand même. J'aimerais bien en avoir de temps en temps quelques traces. Et il faut dire que on y regarde à deux fois avant de me les donner, non sans raison d'ailleurs, parce qu'il se pourrait très bien que les traces que j'en recueille ne soient pas aussi solides, soient pas aussi faites nœuds. Ça donne évidemment une idée que ces nœuds, enfin ça, c'est quelque chose d'assez original, dirais-je, avec l'ambiguïté de peut-être, j'en suis pas sûr, de l'originel. Ce qu'il confirmerait, ce serait que c'est pas tellement facile d'y remonter. Et puis, ça ne veut pas dire, l'originel, que ça soit de ça qu'on parte. J'ai même tout à fait sûr que, historiquement, disons, ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval, le nœud borroméen. On s'y est intéressé très tard. Disons que, si tant est que j'ai l'ombre de mérite, je ne sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs, mérite. C'est que quand j'ai eu vent de ce truc, le nœud borroméen, j'ai trouvé ça dans les notes d'une personne que je rencontre de temps en temps, et qu'il avait recueilli. Il l'avait recueilli en note au séminaire de Guilbault. Et une chose certaine, c'est que j'ai eu immédiatement la certitude que c'était là mais quelque chose de précieux. De précieux. Pour moi, pour ce que j'avais à expliquer, j'ai immédiatement fait le rapport de ce nœud borroméen avec ce qui, dès lors, m'apparaissait comme des rondes ficelles, quelque chose de pourvu d'une consistance particulière qui reste à appuyer et qui était pour moi reconnaissable dans ce que j'avais énoncé dès le départ de mon enseignement, lequel sans doute n'aurait pas émis, mais y étant peu porté de nature, lequel je n'aurais pas émis sans un appel, lié d'une façon plus ou moins contingente, disons une crise dans le discours analytique. Il est possible qu'avec le temps, aperçu qu'il fallait quand même cette crise-là dénouer, mais il a fallu des circonstances pour que je passe à l'acte. Donc ces nœuds borroméens me sont venus comme bagues au doigt. J'ai tout de suite su que ça avait un rapport qui mettait le symbolique, l'imaginaire et le réel dans une certaine position les uns par rapport aux autres, dont le nœud m'incitait à énoncer quelque chose qui, comme je l'ai dit déjà ici, les homogénéisait. Qu'est-ce que veut dire homogénéiser? Évidemment, comme remarquait précédemment, Pierre sourit dans une petite note qu'il m'a communiquée. Parce qu'il y a beaucoup à rendre à chacun son dû. Ils ont quelque chose de pareil. Comme le même Pierre Souris le faisait remarquer, du pareil au même, c'est de lui, du pareil au même, et à la place pour une différence. Mais mettre l'accent sur le pareil, c'est très précisément en ça que consiste l'homogénéisation, la poussée en avant de l'homoios. Qui n'est pas le même, qui est le pareil. Qu'est-ce qu'ils ont de pareil? Eh bien, c'est ce que je crois devoir désigner du terme de consistance, ce qui est déjà avancé quelque chose d'incroyable. Est-ce que la consistance de l'imaginaire, celle du symbolique, et celles du réel peuvent avoir de commun? Est-ce que, par ce mode, cet énoncé, je vous rends sensible? Il me semble que c'est difficile de vous le rendre plus sensible. Quel terme de consistance dès lors ressortie à l'imaginaire. Oui. Et si je m'arrête pour faire une parenthèse destinée à vous montrer que le nœud c'est pas facile de le figurer. Je dis pas de se le figurer, parce que dans l'affaire j'élimine tout à fait le sujet qui se le figure, puisque je pars thèse que le sujet c'est ce qui est déterminé par la figure en question. Déterminé non pas d'aucune façon qu'il en soit le double, mais que c'est des coincements du nœud de ce qui, dans le nœud, détermine des points triples du fait du serrage du nœud, que le sujet se conditionne. Je vais peut-être tout à l'heure vous le rappeler sous forme de dessin au tableau. Quoi qu'il en soit, le figurer ce nœud n'est pas commode. Je vous en ai donné déjà des preuves en cafouillant plus ou moins moi-même tel ou tel petit dessin que j'ai fait. Mmh. Quoi qu'il en soit, le dernier épisode de mes rapports avec le nommé Pierre Souris consiste, c'est bien le cas de le dire, en ceci, certainement bien étrange, c'est qu'après avoir accédé une première fois à ce qu'il avait avancé à très juste titre, à savoir qu'il n'y avait dans le réel du nœud oromère un réel auquel vous ajoutez ceci, que chacun des ronds, vous l'orientez. L'orienter, c'est une affaire qui semble ne concerner que chacun des ronds. Il y aurait une autre façon, ces ronds, ne disons pas de les reconnaître, car reconnaître, ça serait déjà entrer dans toutes sortes d'implications, disons de les différencier. Ça serait de les colorier. Vous sentez bien toute la distance qu'il y a entre le coloriage, et c'est là quelque chose qui ferait rentrer au niveau où Goethe a pris les choses, mais il n'y en a pas la moindre trace. Dans la théorie des couleurs, il devrait y avoir un niveau où, par quoi la couleur est quelque chose qui est gros de différenciation, évidemment, il y a une limite de voir qu'il n'y a pas un nombre infini de couleurs. Il y a des nuances, sans doute. Mais grâce à la couleur, il y a de la différence. J'avais posé la question à un de mes précédents séminaires. J'en avais pris un peu plus compliqué que le nom, le nœud roméen à trois. Non pas qu'il ne fût pas trois, mais j'avais posé la question de savoir si ce nœud n'était qu'un, à savoir si l'introduction de la différenciation le nœud laissait le nœud non pas pareil, mais toujours le même. Il est effectivement toujours le même. Mais il n'y a qu'une seule façon de le démontrer, c'est de démontrer que dans tous les cas, qu'est-ce que veut dire cas? Il est réductible au pareil. C'est bien en effet. Arrivé, c'est que j'étais en effet bien convaincu qu'il n'y a qu'un nœud colorié, mais j'ai eu un flottement, c'est ça que j'appelle ma dernière aventure, concernant le nœud orienté, parce qu'orienté, ça concerne un oui ou un non pour chacun des nœuds. Et je me suis laissé là égaré par quelque chose qui tient au rapport de chacun de ces oui ou non avec les deux autres. Et pendant un moment, je me suis dit, je n'ai pas été jusqu'à me dire qu'il y avait huit nœuds, je ne suis pas si bête. À savoir, deux multipliés par deux multipliés par deux. Oui ou non, multiplié par oui ou non, multiplié par oui ou non. Je n'ai même pas été jusqu'à penser qu'il y en avait quatre. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis cassé la tête sur le fait qu'il y en avait deux. Et ce n'est pas quand même quelque chose qui soit sans portée. Que, après l'avoir demandé de façon expresse, j'ai obtenu de Pierre Souris, qui j'espère vous en fera la distribution la prochaine fois, que j'ai obtenu, vais-je dire, la démonstration. J'ai obtenu ce que je demandais, à savoir la monstration qu'il n'y a qu'un nœud borroméen orienté. La monstration en question que Pierre Souris m'a communiqué dans les délais, si je puis dire, n'y est pas sans mérite. Il a fallu qu'il se... C'est cotonneux à démontrer. Il m'a fourni à temps pour que je le lise et que j'en sois bien convaincu. La monstration, sinon la démonstration, la monstration que le nœud orienté, il n'y en a qu'un, bel et bien le même. La seule chose à quoi ceci nous conduit, et là c'est lui que j'interpelle, c'est ceci. C'est que pareil qu'il réduit au même, il ne peut le faire qu'à partir de ce quelque chose sur quoi j'interroge à cette occasion. C'est à savoir pourquoi il faut, pour qu'on le figure, qu'on la figure, cette monstration. Pourquoi il faut en passer par ce que j'appelle, que j'ai déjà appelé, la mise à plat du nœud. C'est quelque chose qui mérite d'être individualisé, cette mise à plat. Parce que, comme je pense que vous l'avez déjà vu par crayonnage, fallu que je fasse sur un tableau, c'est-à-dire mise à plat, un crayonnage perspectif. Vous avez bien pu voir que si ce nœud n'est pas du tout de sa nature un nœud plat, bien loin de là, le fait qu'il faille passer par la mise à plat pour mettre en valeur la mêmeté du nœud, quelle que soit l'orientation que vous donnez à chacun, ce qui je l'ai déjà fait sentir, indiqué, évoquerait qu'il y en aurait 8. J'ai dit, je ne suis pas laissé prendre. Enfin, quand même, je me suis encore empêtré à penser qu'il y en avait 2. Ça prouve simplement l'extraordinaire débilité de la pensée, au moins de la mienne, et d'une façon générale, que la pensée, celle qui procède, parce que je dis tout à l'heure, oui ou non, la pensée convient d'y regarder à 2 fois avant d'accepter ce qu'il faut bien intituler du verdict. Il n'y a pas, si je puis dire, une sorte de fatum de la pensée qui, en l'attachant de trop près au vrai, lui laisse glisser entre les doigts, si je puis dire, le réel. C'est bien ce que j'ai fait surgir la dernière fois. C'est bien ce que j'ai fait surgir la dernière fois par une remarque. Une remarque sur le concept en tant que ce n'est pas la même chose, le concept, que la vérité. En tant que le concept, ça se limite à une prise, comme le mot « capere » l'implique, et qu'une prise, ce n'est pas suffisant pour s'assurer que c'est le réel qu'on a en main. Voilà. Ces propos que je vous tiens, que vous avez, je ne sais pas pourquoi, la patience d'accepter, font que il m'est impossible de vous avertir à tout instant de ce que je fais en vous parlant. Que je fasse quelque chose qui vous concerne, votre présence en est la preuve. Mais ça ne suffit pas pour dire sous quel mode cela se passe. Dire que vous y comprenez quelque chose n'est même pas certain. Pas certain au niveau où je soutiens ce que je dis. Mais il y a quand même quelque chose qui est digne, et c'est bien pour situer ce quelque chose qu'il dit sous cette forme, que on se comprend plus. Dans le texte même de ce qui est dit, dans le sens qu'on se comprend d'un pas d'autre substrat, qu'on s'embrasse. Et je la vois quand même, ce gars-là tout à fait ce que nous faisons, et qui a là une équivoque qui, il faut le dire, comme toutes les équivoques, a une face de saloperie, pour appeler les choses par leur nom. Est-ce donc je m'efforce, disons que c'est de mettre un peu d'humour dans la reconnaissance de cette saloperie comme présence. C'est bien ce qui donne son poids à la façon dont je tranche le nœud en énonçant ce point. S'il convient bien de préciser la portée, qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire quand je le dis? Ça ne veut pas dire que le rapport sexuel ne traîne pas les rues. Et qu'en mettant en évidence qu'il faut tout recentrer, sur ce frotti-frottage, ce fricotage, pour faire appel à quoi? Au réel du nœud. Freud, n'est pas, bien sûr, fait un pas qui d'ailleurs ne consistait simplement qu'à s'apercevoir que depuis toujours on ne parlait que de ça. Et se voir tous qui s'étaient fait de philosophie. Tu es le rapport sexuel à plein bord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si j'énonce qu'il n'y a pas de rapport sexuel? C'est désigner un point très local, manifester la logique de la relation, marquer que grand R, pour désigner la relation, grand R à mettre entre X et Y, c'est entrer d'ores et déjà dans le jeu de l'écrit, et que pour ce qui est du rapport sexuel, il est strictement impossible d'écrire X grand R Y d'aucune façon. Il n'y a pas d'élaboration logicisable et du même coup mathématisable du rapport sexuel. C'est exactement l'accent que je mets sur cet énoncé. Il n'y a pas de rapport sexuel. Et c'est donc dire que sans le recours à ces consistances différentes, pour l'instant, je ne prends que comme consistance, à ces consistances différentes, qui pourtant se distinguent d'être nommées imaginaires, symboliques, réel, sans le recours à ces consistances, en tant qu'elles sont différentes, il n'y a pas de possibilité de frottis-frotta. Il n'y a aucune réduction possible. La différence, ces consistances, à quelque chose s'écrirait simplement d'une façon qui se supporte, je veux dire qui résiste à l'épreuve de la mathématique et qui permet d'assurer le rapport sexuel. Ces modes qui sont ceux sous lesquels j'ai pris la parole, symbolique, imaginaire et réel. Je ne dirais pas du tout qu'ils soient évidents. Je m'efforce simplement de les éviter. Qui ne veut pas dire la même chose. Parce qu'évider repose sur vide et qu'évidence repose sur voir. Est-ce à dire que j'y crois? J'y crois dans le sens où ça m'affecte comme symptôme. J'ai déjà dit ce que le symptôme doit à l'y croire. Et ce à quoi je m'efforce, je m'essaie, c'est à donner à ce j'y crois une autre forme de crédibilité. Il est certain que j'y échouerai. C'est pas une raison pour ne pas l'entreprendre. Ne serait-ce pour démontrer ce qui est l'amorce de l'impossible, déjà mon impuissance. Le nœud est supposé, par moi, être le réel dans le fait de ce qu'il détermine comme existence. Je veux dire, dans ce par quoi il force un certain mode de tourne autour. Le mode sous lequel existe un rond de ficelle à un autre, voilà sur quoi j'en arrive à déplacer la question par elle-même insoluble de l'objectif. Ça me semble moins bébête. l'objectivité, ainsi déplacée, ça me semble moins bébête que le nous-mêmes. Parce que tâchez de penser un peu ce sur quoi on s'obstine depuis plus de 2 millénaires. L'histoire, nous mène conçu par opposition au phénomène, il est strictement impossible de ne pas faire surgir à son propos. Mais vous allez le voir, c'est d'un après-coup de ne pas faire surgir à son propos la métaphore du trou. Rien à dire sur le noumen, sinon que la perception a valeur de tromperie. Mais pourquoi là ne pas faire remarquer que c'est nous qui la disons tromperie, cette perception? Car la perception, proprement parlée, ne dit rien, précisément. Elle ne dit pas, c'est nous qui lui faisons dire. Nous parlons tout seuls. C'est bien ce que je dis à propos de n'importe quel dire. Nous prêtons notre voix. Ça, c'est une conséquence. Le dire, ce n'est pas la voix. Le dire est un acte. Alors, s'il nous mène, ce n'est rien d'autre que ce que je viens d'énoncer comme trou. Peut-être ce trou, de le retrouver dans notre symbolique, nommé comme tel, et à partir de la topologie du temps. Du temps en tant que distingué de la sphère par un mode d'écriture dont se définissent aussi bien homo que homéo que automorphisme, dont le fondement est toujours la possibilité de se fonder sur ce qu'on appelle une déformation continue. Et une déformation qui se définit de rencontrer ce qui fait obstacle d'une autre corde. C'est ça la topologie. Une autre corde supposée consister. C'est ça qui fait le temps. T-O-R-E. Je rappellerai bien à l'occasion le tort Ohio. Est-ce que vous figurez d'une façon qui soit bien sensible. Voilà. Un temps, si un trou produisait la main, et attraper ce qui est au centre du temps. Ça laisse comme ça un sentiment dont le moins qu'on puisse dire est qu'il y a discordance entre cette main et ce qu'elle sert. Il y a une autre façon comme ça de le montrer. Ce serait à l'intérieur du corps de supposer un autre corps. Jusqu'où peut-on aller comme ça? Il ne faut pas croire. Il suffit ici d'en placer un autre à l'intérieur du second temps, car ça ne serait pas du tout quelque chose d'homogène, malgré l'apparence donnée par la coupe, ça ne serait pas quelque chose homogène à ce qui est figuré ici. Il le démontre bien la façon correcte de dessiner le temps. Fait d'une façon mathématique. Il faudrait que ce soit un autre rond placé ici pour qu'il soit celui-là équivalent. À celui que j'ai coupé d'abord pour donner ici figure au tort. Bref, c'est quand supposer consister si s'il donne quelques supports à la métaphore du trou, ce n'est qu'à partir de la topologie du tore, en tant qu'elle élabore mathématiquement la différence entre une topologie implicite et une topologie qui, de s'en distinguer, devient explicite, à savoir la sphère, en tant que toute supposition imaginaire, participe d'abord implicitement de cette sphère, en tant qu'elle rayonne, que la lumière soit. Ça, ce n'est pas un boyau. Mais l'ennuyeux, c'est que ce que l'analyse révèle, c'est concernant ce qu'il en est, la consistance du corps, c'est au boyau qu'il faut en venir. Au lieu des polyèdres qui ont occupé l'imagination timéenne, timéique pendant des siècles, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le temps boyau qui prévaut. Et quand je dis le tore boyau, ça ne suffit pas. Vous voyez assez dessin. Ça ne suffit pas à orienter les choses vers le boyau. C'est aussi bien un sphincter. Nous voilà donc là, dans ce qui rend plus sensible que tout le rapport du corps à l'imaginaire. Et ce que je veux vous faire remarquer, c'est ceci. Peut-on penser l'imaginaire lui-même en tant que nous y sommes pris par notre corps, peut-on penser l'imaginaire comme imaginaire pour en réduire, si je puis dire, de quelque façon l'imaginarité ou l'imagerie, comme vous voulez. On est dans l'imaginaire. C'est là ce qu'il y a à rappeler. Si élaboré qu'on le fasse, c'est à quoi l'analyse vous ramène. Si élaboré qu'on le fasse, dans l'imaginaire, on y est. Il n'y a pas moyen de le réduire dans son imaginarité. C'est dans ça que la topologie fait un pas. Elle vous permet de penser, mais c'est une pensée d'après-coup que l'esthétique que ce que vous sentez, autrement dit, n'est pas en soi, comme on dit, transcendantal. C'est lié à ce que nous pouvons très bien concevoir comme contingent, à savoir, c'est cette topologie-là qui vaut pour un corps. Encore, n'est-ce pas? Un corps tout seul. S'il n'y avait pas de symbolique et d'existence du réel, ce corps n'aurait simplement pas d'esthétique du tout, parce qu'il n'aurait pas torboyau. Le torboyau, T-O-R-E, et trait d'union, comme je l'écris, c'est une construction mathématique, c'est-à-dire fait de ce rapport inexistant qu'il y a entre le symbolique et le réel. La notion de nœud que je promeus s'imagine sans doute, je l'ai dit, se figure entre imaginaire symbolique et réel. Sans perdre pour autant son poids de réel. Mais justement, de quoi? De ce qu'il y ait nœud effectif. C'est-à-dire que les cordes se coincent. Qu'il y ait des cas où l'existence, le tourne autour, ne se fait plus à cause de ces points triples dont se supprime l'existence. C'est cela que j'ai indiqué en vous disant que le réel se démontre de n'avoir pas de sens. N'avoir pas de sens parce qu'il commence. Parce qu'il commence à quoi? Au fait qu'ici, l'indiquer, le symbolique pour l'indiquer une autre couleur. Je le fais ainsi, réduisant la place, celle que j'ai indiquée être réduit le sens à ce point triple qui est ici. Seul ce sens, en tant qu'évanouissant, donne sens au terme de réel. De même ici, en cet autre point triple, qui serait jouissance. En tant que phallique, qui implique sa liaison à l'imaginaire comme existence, l'imaginaire, c'est le pas de jouissance. De même que pour le symbolique, c'est très précisément qu'il n'y a pas d'autre de l'autre qui lui donne sa consistance. Est-ce à dire que tout ceci, ce sont des modèles? J'ai déjà dit et proféré, ce qui n'est pas raison pour que je ne le répète pas, que les modèles recourent comme tels à l'imaginaire pur. Les nœuds recourent au réel et prennent leur valeur de ceci, qu'ils n'ont pas moins de portée dans le mental que le réel, même si le mental est imaginaire, pour la bonne raison qu'ils ont leur portée dans les deux. Tout couple, tout ce qu'il y a de couple, se réduit à l'imaginaire. La négation est aussi bien façon d'avouer. Fernainum, Freud y insiste dès le début, façon d'avouer là où seul l'aveu est possible, parce que l'imaginaire, c'est la place où toute vérité s'énonce, et une vérité niée a autant de poids imaginaire qu'une vérité avouée. Fernainum que Beyaou. Comment se fait-il, c'est la question que je pose, vous apporter la réponse, que le réel ne commence qu'au chiffre 3. Tout imaginaire a du 2 dans le coup, si je puis dire. Comme reste de ce 2 effacé du réel. C'est bien en cela que le 2 existe au réel. Et qu'il n'est pas déplacé de confirmer que l'existence, à savoir ce qui joue de chaque corde comme existante à la consistance des autres, que cette existence, c'est-à-dire ce jeu, sans limiter ou le trajet ou le lacet, comme disait récemment quelqu'un parlant sur ce sujet qui venait encore sourire, que l'existence, le jeu de la corde, jusqu'à ce que quelque chose la coince, c'est bien là la zone où l'on peut dire la consistance. La consistance du réel, à savoir ce sur quoi Freud a mis l'accent, a renouvelé l'accent, sans doute d'un terme antique, le phallus. Mais comment savoir ce que les mystères mettaient sous le terme du phallus? En l'accentuant, Freud s'y épuise, mais ce n'est pas d'une autre façon sa mise à plat. Or, ce dont il s'agit, c'est donner tout son poids à cette consistance, non pas seulement existence du réel. Nommer que aussi bien vous pourriez écrire une apostrophe à chaud de Zemmer. Nommer, dire, est un acte. Ce par quoi dire est un acte, c'est d'ajouter une dimension. Une dimension de mise à plat. Sans doute, dans ce que j'incitais à l'instant Pierre Souris à nous faire part, à savoir sa démonstration de ce qu'il n'y a qu'un nœud à le prendre comme orienté, il distingue toutes sortes d'éléments qui ne relèvent que de la mise à plat. Retournement de plan, retournement de rond, retournement de bande, voire échange externe ou interne. Ce ne sont là, vous le lirez, du moins je l'espère, ce ne sont là qu'effets de mise à plat, dont il convient de mettre en valeur qu'il n'y a là qu'un recours exemplaire à la distance qu'il y a entre le réel du nœud et cette conjonction de domaines, celle qui s'inscrit tout à l'heure, que j'inscrivais ici au tableau, pour donner poids au sens, que tout ceci puisse éclaire en fait la pratique d'un discours, du discours proprement dit analytique, c'est ce que je vous laisse à décider, sans faire plus. Aujourd'hui, de concession, j'en conviens, je n'en ai pas beaucoup fait. Mais référez-vous simplement à des termes tels que ceux que Freud avance concernant ce qu'il appelle l'identification. Je vous propose, en clôture de cette séance d'aujourd'hui, ceci. L'identification triple, telle qu'il l'avance. Je vous formule la façon dont je la définis. S'il y a un autre réel, il n'est pas ailleurs que dans le nœud même. Et c'est en cela qu'il n'y a pas d'autre de l'autre. Cet autre réel, c'est vous, identifié à son imaginaire. Vous avez alors l'identification de l'hystérique au désir de l'autre. En ce point central. Identifiez-vous au symbolique de l'autre réel. Vous avez alors cette identification que j'ai spécifiée de Leinziger Zug du trait unaire. Identifiez-vous au réel de l'autre. Vous avez alors cette identification que j'ai spécifiée de Leinziger Zug du trait unaire. Identifiez-vous au réel de l'autre réel. Vous obtenez ce que j'ai indiqué du nom du Père, et c'est là que Freud désigne ce que l'identification a à faire avec l'amour. Je vous parlerai la prochaine fois des trois forme de nom du Père, celle qui nomme comme telle l'imaginaire, le symbolique et le réel, car c'est dans ces noms eux-mêmes que tient le nœud.